Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel est le dynamisme de Pompéi? Quel rôle jouent les affranchis? Que sont les bains de la jeunesse? Comment la cité campanienne s'est-elle reconstruite entre le grand tremblement de terre de 63-62 et l'éruption de 79 après Jésus-Christ? Comment les progrès de l'archéologie aboutissent-ils à une révision de la date de cette éruption? Nous retrouvons Pompéi, colonie romaine à l'époque de Cicéron, et nous la suivons jusqu'à sa disparition et sa transformation en chantier de récupération, avant de devenir aujourd'hui un vaste terrain de fouilles et d'interrogations. Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, explore le plateau de Pompéi pour faire jaillir, au-delà de l'évolution urbaine, la vie quotidienne des artisans, le développement économique de la cité commerçante. Théophile Gautier, dans sa nouvelle Aria Marcella, fait déambuler son personnage Octavien dans les ruines de Pompéi au XIXe siècle, évoquant ses inscriptions tracées en lettres rouges, et je le cite, d'un pinceau cursif sur les parois des murailles. Affiches de spectacles, demandes de location, formules votives, enseignes, annonces de toutes sortes, curieuses comme le serait dans 2000 ans, pour les peuples inconnus de l'avenir, un pan de mur de Paris retrouvé avec ses affiches et ses placards, ces maisons aux toits effondrés, laissant pénétrer d'un coup d'œil tous ces mystères d'intérieur, tous ces détails domestiques que négligent les historiens et dont les civilisations emportent le secret avec elles. Comment faire parler les vestiges sans se méprendre dans l'interprétation ? Jean-Pierre Brun rappelle que la compétition électorale, telle qu'elle apparaît sur les murs de Pompéi, ne doit pas masquer que la cité était une colonie dirigée par une oligarchie de propriétaires fonciers. Aujourd'hui vont émerger de nombreuses maisons embellies et décorées, le deuxième style pompéien avec ses mégalographies, le rôle des affranchis enrichis, impliqués dans tous les domaines économiques, une classe très dynamique. Leurs enfants, nés libres, peuvent intégrer l'aristocratie locale, voire impériale. Après le grand séisme, donc de 63-62 avant notre ère, c'est la reconstruction. Les nouveaux thermes, plus clairs, dotés de vitres, plus rationnels, le quatrième style pompéien, la nécessité de mettre de l'ordre dans les terrains publics et de les rendre à la colonie. Cependant, Jean-Pierre Brun note que Pompéi n'est pas aussi bien conservé qu'on a pu l'entendre, et bien des interprétations peuvent être biaisées. L'archéologue s'attache à souligner les choses trappes, mais Pompéi reste cependant une réelle source de documentation sur la vie privée, l'évolution des techniques et sur la vie économique. L'archéologue ouvre ce cours avec un nouveau chapitre consacré à la place de l'artisanat dans la cité campanienne. Il rappelle le débat contemporain sur le rôle des villes antiques, villes parasites des campagnes ou villes de production indépendantes de la rente foncière. Or, ce débat a pu être faussé par les premières interrogations du site, tournées vers les pièces les plus spectaculaires et dans un contexte de valorisation des interrogations politiques et religieuses. Dans sa leçon inaugurale donnée en 2012, Jean-Pierre Brun rappelle, je le cite, « Longtemps négligée, l'archéologie des activités artisanales et manufacturières a pris durant les 20 dernières années un nouvel essor, tant en proposant des modèles à partir des installations bien conservées, comme celles de Délos ou de Pompéi, qu'en s'interrogeant sur leur importance relative. Ce n'est que plus tard que l'on a pu compter le nombre des ateliers, les productions et cerner leur clientèle, nous dira-t-il aujourd'hui. Cette histoire se heurte aussi au manque de sources quand les ateliers sont mobiles et les matières dégradables comme le bois et le textile qui ne laissent quasiment aucune trace. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 18 octobre 2016 pour le cours de Jean-Pierre Brun, le développement urbain de Pompéi de l'époque coloniale au 1er siècle après Jésus-Christ. Pompéi fut frappé par un grand tremblement de terre. L'année 62 ou 63 varie selon qu'on suit un texte de Tacite, dans les Annales, livre 15, paragraphe 22 et suivant, qui indique que le tremblement de terre eut lieu le 5 février 62, ou un passage de Sénèque, dans les Questions naturelles, livre 6, paragraphe 1, qui date l'événement d'un an après. Quoi qu'il en soit, le tremblement de terre détruisit une bonne part de Pompéi et d'autres cités campaniennes et frappa les esprits. Lucius Caecilius Jucundus, un banquier qui habitait la Via Stabiana, c'est-à-dire cette grande artère qui traverse Pompéi du nord au sud, fit représenter des scènes de cette catastrophe sur des bas-reliefs ornant son larère. Les effets du tremblement de terre et la reconstruction qui suivit marque une rupture bien visible lors des fouilles archéologiques. Sur le bas-relief, on voit d'ailleurs les effets sur le grand temple du Forum et en particulier dans ce secteur qui concerne la partie nord des remparts, on voit que le château d'eau s'est maintenu à peu près en état alors que la porte s'est écroulée et de fait, elle ne fut pas reconstruite. Beaucoup de riches maisons furent aussi abandonnées et Sénèque stigmatisait l'exode des riches habitants, toujours dans les questions naturelles au livre 6, paragraphe 1. Ça nous amène donc à notre huitième période qui concerne les dernières années de Pompéi entre le tremblement de terre de 62-63 et l'éruption de 79. En fait, la reconstruction de la ville qui suivit le tremblement de terre fut probablement beaucoup plus rapide qu'on ne l'a pensé à la suite des écrits d'Amedeo Maiori, notamment dans son célèbre ouvrage « L'ultima fase di Pompei ». Cette reconstruction fut aidée financièrement par Néron, qui fit probablement un voyage à Pompéi immédiatement après le tremblement de terre. Deux graffitis de la case de Iulius Polybius, dans la région 9 et sous la 13, mentionne le don d'un bijou précieux à Vénus de la part de Poppée, ainsi que l'aide de l'empereur sous la forme de dons en or. Le couple, formé alors par Néron et Poppée, qui était originaire de la cité, dut offrir en 64 après Jésus-Christ une lampe en or qui a été retrouvée en 1863 dans le cryptoportique proche du temple de Vénus. Ce don est peut-être lié à une reconnaissance à l'occasion de la naissance de leur fille. Selon Savino, dans un article qui s'appelle « Pompéi il terremoto di 63 », paru en 2009, Savino qui a souligné donc ces faits, il est toutefois probable que l'aide de Néron cessa à la mort de Poppée en 65 et que l'incendie de Rome nécessita une réorientation des crédits disponibles vers la capitale. Comme il est de règle dans de telles catastrophes, ce sont les ateliers et les commerces qui se sont relevés le plus rapidement. À cela deux raisons. D'une part, pour des gens dont le travail est la seule richesse, se remettre au travail au plus vite est vital au sens propre du terme. D'autre part, réparer ou reconstruire de petites maisons ou des boutiques ne demandait pas d'aussi gros travaux que de restaurer ou de reconstruire de grandes demeures ou des monuments publics. Ce phénomène a été bien explicité par Jean Andreau dans un célèbre article intitulé « Histoire des séismes et histoire économique, le tremblement de terre de Pompéi » paru dans les Annales en 1973, page 369 et suivant. Nous avons une illustration archéologique directe à la fois de la rapidité de ces travaux et des techniques employées, avec la reconstruction, depuis la base, des murs nord et ouest de la boutique de parfumeur située dans la région 7, insula 4, au numéro 24-25. Alors, je vous remontre le forum de Pompéi, la Via des Augustali, et dans ce secteur, il y avait un certain nombre de parfumeries, dont une que j'ai eu l'occasion de fouiller en 2001. Les murs furent alors rebâtis en tuiles, des tuiles qui étaient cassées en biais, et un dépôt de 3 monnaies fut scellé dans le sol qui a été coulé, un sol de béton qui a été coulé à ce moment-là. Parmi ces 3 monnaies, 2 sont des monnaies flambant neuves, frappées en 65, et qui étaient donc insérées comme dépôt votif. Ce dépôt indique que les travaux furent terminés probablement immédiatement après, soit en 65, soit peut-être juste après, mais je crois que c'est vraiment en 65, ce qui voudrait dire que la boutique avait été totalement restaurée 2 ou 3 ans après le tremblement de terre. Sur le forum lui-même, les édifices du culte impérial et de l'administration de la colonie furent reconstruits très vite. Les sondages d'Amedeo Maiori en 1942 ont montré que les 3 édifices qui bordent le forum au sud furent bâtis à l'époque flavienne en appareils de briques et de tuiles, ce que confirment les sondages récents de Kockel. Leur construction, la construction de ces 3 édifices administratifs, est parfaitement homogène et utilise des lots de tuiles qui sont identiques. L'amphithéâtre fut ébranlé, mais ne s'écroula pas. Il fallut restaurer les voûtes et combler les fissures, et une inscription rappelle que Caius Cuspius Pansa, le père et le fils, ont payé cette restauration. Les thermes de Stabi et du forum furent réparés, et les grands thermes centraux furent mis en construction. Les travaux n'étaient pas terminés en 79. Ces thermes centraux marquent une rupture. Ils sont beaucoup plus clairs, plus vastes, plus rationnels que les précédents. Construits en détruisant un îlot entier de maisons qui avaient été ébranlées par le tremblement de terre, ils forment un complexe comprenant un centre commercial marqué par des rangées de boutiques ouvrant sur la rue, et à l'intérieur, autour d'une cour centrale, les thermes eux-mêmes qui ouvraient vers l'ouest par de grandes baies qui étaient destinées à être dotées de vitres. La reconstruction du temple d'Isis est emblématique de cette période à plus d'un titre. De par son commanditaire, et de par les techniques de construction et de décoration. L'importation du culte de la déesse Isis, protectrice de la navigation, est le fruit de constants contacts avec l'Orient, notamment avec Délos et avec Alexandrie. Un premier sanctuaire fut détruit par le tremblement de terre, et tout de suite après, il fut reconstruit depuis les fondations par Numerius Popilius Celsinus, comme l'indique une inscription insérée en façade. En réalité, c'est son père, Ampliatus, un affranchi, qui paya les travaux afin de promouvoir son fils aux plus hautes sphères de la société pompéienne. Et de fait, le Sénat local, en remerciement de ce bienfait, admit le fils en son sein à l'âge de 6 ans. Certainement à la grande satisfaction de son père, dont le passé servile interdisait une telle reconnaissance sociale. On voit ici à l'œuvre le mécanisme de renouvellement des élites par les anciens esclaves affranchis, qui, une fois enrichis, souvent par le commerce ou la manufacture, relèvent et prolongent l'existence de familles parfois éteintes. Cette activité édilitaire, générale, se manifesta aussi bien par l'ouverture de carrières, par des réparations de murs ou des reconstructions complètes, et par l'exécution de nouveaux décors, notamment des décors peints, qui sont attribuables, dans leur quasi-totalité, au quatrième style pompéien. Tous ces travaux, remaniements, entraînèrent des désordres dans les propriétés, probablement des usurpations de terrains privés et certainement de terrains publics qui avaient été abandonnés avant ou après le désastre. Et la situation devint telle que Vespasien dut envoyer Titus Suedus Clemens, maître de l'ordre dans le cadastre, et récupérer les terrains publics pour les rendre à la colonie. Nous sommes presque au moment de l'éruption et je dois dire un dernier mot concernant la date de l'éruption. On a longtemps pensé que l'éruption avait commencé le 24 août 79, vers 10 heures du matin, pour durer jusqu'au 28 août. Les historiens le pensaient, car les meilleurs manuscrits, ceux qui présentent le moins de fautes, des fameuses lettres de Pline le Jeune à Tacite, et qui décrivent donc l'éruption en tant que témoin oculaire, donnent la date « nonum ante » calendes septembres, soit 9 jours avant les calendes de septembre, et donc le 24 août. Pline le Jeune était le neveu de Pline le Naturaliste et se trouvait dans le palais de son oncle, qui était alors préfet de la flotte romaine à Misène, qui est juste en face de Pompéi, lorsque l'éruption eut lieu. Mais d'autres manuscrits, aujourd'hui perdus, devaient donner des dates différentes qui furent utilisées lors des premières éditions des lettres de Pline, qui furent publiés à la Renaissance. On trouve par exemple le 30 octobre, c'est-à-dire le troisième jour avant le calendrier de novembre, ou le 1er novembre lui-même, c'est-à-dire le moment des calendes de novembre. Par ailleurs, Dion Cassius, dans l'Histoire romaine, livre 66, paragraphe 21, assure que l'éruption eut lieu en automne. Après des doutes émis dès 1797 par Carlo Maria Rossini, les archéologues ont aussi contesté cette date depuis la fin du XIXe siècle. Car d'une part, les braseros étaient allumés dans les maisons, ce qui est un peu étonnant au mois d'août. D'autre part, les fruits d'automne étaient déjà rentrés dans les resserres. Et enfin, les vendanges étaient faites, ce qui paraît difficilement compatible avec la fin du mois d'août. On a cru tenir une certitude avec l'étude d'une monnaie d'argent frappée sous Titus, devenu empereur, donc Auguste, en juin 79, et trouvée dans la maison du bracelet d'or. La pièce est mal conservée, mais on pensait lire que Titus portait le titre d'impérator pour la 15e fois. Ce qui veut dire que son armée a été victorieuse 15 fois. Or, dans une lettre envoyée par Titus au municipe de Minugua, en Espagne, datée précisément du 7 septembre 79, Titus est impérator pour la 14e fois. Ce qui implique que l'éruption a bien eu lieu après cette date. Malheureusement, cette preuve vient d'être contestée par un article de Hadby paru en 2013 qui s'appelle « The Last Coin in Pompeii, Revelation of the Coin Hoard from the House of the Golden Bracelet », paru dans The Numismatic Chronicle, donc en 2013. En effet, un examen plus approfondi de la monnaie montre qu'elle entre en fait dans la série 2 des émissions de deniers de Titus, lorsqu'il ne portait pas encore le titre de pater patriae. Or, ce titre lui fut donné alors qu'il était encore impérator pour la 14e fois. Par conséquent, toute monnaie portant la 15e salutation impériale doit porter aussi la mention pater patriae, ce qui n'est pas le cas dans la monnaie de la maison du bracelet d'or. Donc, on doit aboutir à la conclusion que cette monnaie a été mal lue et qu'elle portait en réalité la mention « Imperator » pour la 14e fois. On perd ainsi la preuve numismatique que l'éruption est postérieure à août 79. Mais les autres arguments demeurent. Le texte de Dion Cassius, la flore automnale, les braseros et les vendanges faites. Et il faut donc probablement dater l'éruption entre la fin octobre et novembre 79. Cette date plus avancée dans l'automne explique aussi que les conditions météorologiques poussaient le vent à souffler du nord très violemment vers le sud, ce qui n'arrive pas en été. On voit donc comment les progrès de l'archéologie aboutissent à une révision d'une date que l'on croyait bien établie par les textes. Le déroulement de l'éruption lui-même est bien connu grâce au récit de Pline le Jeune, auquel je vous renvoie. La découverte de nombreux corps de fugitifs qui ont été moulés en donne une image saisissante et montre que les habitants, pris par la panique, ont tenté de fuir ou se sont cachés. Exactement 1047 corps ont été jusqu'à présent retrouvés dans la ville et 543 dans son territoire. On estime qu'il y aurait eu plus de 2000 morts sur une population de 8 à 10 000 personnes, mais peut-être le chiffre est sous-estimé. Alors on pourrait croire que nous sommes à la fin de notre histoire avec l'éruption qui scelle le destin de Pompéi. Mais je voudrais ajouter une postface, une neuvième phase antique, qui a été jusqu'à présent assez singulièrement négligée. C'est-à-dire la transformation de la ville de Pompéi en chantier de récupération de matériaux, immédiatement, ou en tout cas peu de temps, après l'éruption. Donc, l'histoire de Pompéi ne s'arrête pas avec la catastrophe. Pendant longtemps, l'autorité d'Amedeo Maiori, qui fut surintendant des fouilles de Pompéi et directeur du musée de Naples entre 1923 et 1961, a imposé la théorie que Pompéi ne s'était pas complètement relevé des dégâts causés par le tremblement de terre et que les monuments publics, tels que le Capitole ou le Temple de Vénus, n'étaient pas encore restaurés au moment de l'éruption. Sur le fond, cela n'a rien d'impossible. 16 ou 17 ans représentent une période bien courte pour remettre en état une ville entière dévastée par un tel sinistre, surtout avec les techniques de l'époque. Maiori pensait que le tremblement de terre avait aussi accéléré une évolution socio-économique en cours qui aurait vu la montée en puissance des affranchis au détriment de l'aristocratie foncière traditionnelle qui aurait déserté la ville. Les affranchis auraient été plus dynamiques à relever la ville de ses ruines, favorisant des activités et des cultes tels que celui d'Isis, qui leur étaient vitaux, alors que les bâtiments liés à la vie et au culte civique traditionnel mettaient du temps à se relever. Malgré des critiques justifiées d'Ettore Lepore, de Jean Andreau, puis de William Youngman, il y a une part de vérité dans cette reconstruction, mais Maiori a certainement forcé le trait en refusant de tenir compte de la récupération des œuvres d'art, du métal et des matériaux dans les années qui ont suivi l'éruption, alors même qu'il avait constaté les dégâts de ses travaux postérieurs à l'éruption dans ses fouilles du Forum et de la maison de Ménante. En effet, selon Suétone, dans la vie de Titus, paragraphe 8, et selon Dion Cassius, livre 66, paragraphe 24, Titus envoya deux consulaires en tant que curatores restituendae campaniae pour prendre les mesures qui s'imposaient après la catastrophe. Fausto Zevi, dans un article qui s'appelle « Sul Tempio di Iside a Pompei » paru dans la Parole del Passato en 1994, a montré que les édifices publics furent dépouillés de leurs matériaux, mais non le temple d'Isis, car celui-ci était construit en maçonnerie est décoré en stuc, alors que, par exemple, le temple de Vénus ou le Capitole, qui était en gros blocs de pierre, ont été retrouvés quasiment arasés, et bien que nous savons qu'ils aient été restaurés après le tremblement de terre. Les récupérations eurent lieu en plusieurs points faciles d'accès, notamment à flanc de colline. Au sud-est, les thermes suburbains ont été spoliés de leurs décorations de marbre, des conduites en plomb et de la chaudière en bronze après l'éruption. Dans le théâtre, une large part des gradins furent récupérés. Ce sont ces travaux qui expliquent le passage de Dion Cassius, qui écrit que de nombreuses victimes se réfugièrent en vain dans le théâtre, ce qu'on ne pouvait savoir sans avoir procédé à des dégagements. Et je vous renvoie au livre 66, paragraphe 23. Mais c'est la zone du forum qui fut le plus touchée. En effet, le lieu de la place devait former une dépression bien visible après les dépôts pyroclastiques, car il n'y avait pas de monument sur la place elle-même. À partir d'un dégagement sommaire, il fut possible aux ouvriers d'accéder aux monuments principaux en levant les plaquages de marbre, les statues de leur socle, les inscriptions sur plaques de bronze qui étaient affichées notamment dans le soi-disant commission, ainsi que des blocs de grands appareils dont les dalles du forum lui-même et les blocs des murs du Capitole et surtout les blocs de marbre du temple de la Fortune Auguste, donc totalement dépouillés. Il n'y reste plus que les blocs de marbre des fondations, toute la partie supérieure a été récupérée. Sur ces questions, la thèse que Mme Sandra Zanella a soutenue ici même l'année dernière, qui s'appelle « Bâtiments privés sur le sol public, les maisons en terrasse de Pompéi entre le forum et les murailles », est très éclairante. Mme Zanella a pu reconstituer les phases du chantier de récupération qui dut créer une voie d'évacuation des matériaux vers la mer par la basilique et le temple de Vénus, qui fut alors arasé pour la circonstance. Elle a rappelé que les fouilles de la basilique, en mai 1813, employa 150 ouvriers au maximum et seulement durant 8 mois, et elle calcule que la remise au jour du forum et des édifices par 150 à 200 personnes n'a pas dû prendre plus de 2 ou 3 ans. C'est d'ailleurs probablement pour nourrir ces ouvriers qu'un four à pain fut construit sur les lapillis de l'éruption dans une salle souterraine de la maison de Championnet numéro 1, une fouille qui remonte aux années 1936, et vous voyez très bien donc ce four qui est construit sur la couche des lapillis et qui est donc postérieure à l'éruption. Au total, cette entreprise d'État, qui avait pour objet d'utiliser des matériaux récupérés pour restaurer les villes environnantes, qui avaient été dévastées aussi, comme en Auxerre, eut des effets considérables sur la conservation de la ville. Il faut bien reconnaître que Pompéi n'est pas aussi bien conservée qu'on pourrait l'espérer, et qu'on ne l'a cru pendant longtemps. Sur bien des aspects, notamment sur la vie publique, l'information est biaisée et incomplète. Mais Pompéi reste malgré tout la source de documentation essentielle sur la vie privée, sur l'histoire des techniques et sur la vie économique. Thank you. Le Collège de France et France Culture vous présente Jean-Pierre Brun, le développement urbain de Pompéi de l'époque coloniale au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, après avoir parcouru l'histoire et l'évolution de Pompéi à la lumière des recherches archéologiques récentes, nous allons aborder désormais l'étude des productions artisanales à Pompéi. Un long débat agite l'historiographie contemporaine sur le rôle des villes dans l'Antiquité par rapport au rôle que tenaient les villes du Moyen-Âge et des temps modernes. Les villes antiques étaient-elles des villes parasites de leur campagne, vivant du travail des agriculteurs, dont les profits étaient transférés en ville sous forme de rentes foncières pour y être dépensés en services et biens de consommation, évidemment improductifs, ou bien les villes antiques étaient-elles des villes de production où des activités économiques propres produisaient des richesses indépendantes de la rente foncière? Voilà en quelques mots les termes du débat qui, nous le verrons, est artificiellement forcé. Pompéi s'est trouvé au centre de cette polémique du fait de l'ampleur des dégagements et de l'état de conservation de la ville. Les historiens pensaient pouvoir tout savoir de l'état de l'économie de la ville sous les Flaviens grâce à des vestiges clairs de toutes sortes d'artisanats et à une abondante documentation épigraphique allant des étiquettes peintes sur les amphores aux inscriptions en faveur des candidats aux élections, en passant par les archives des banquiers tels que Lucius Caecilius Jucundus ou des frères Sulpicii, et qui ont laissé des archives trouvées dans un faubourg de Pompéi qui s'appelle Murecine, mais qui ne concerne toutefois pas Pompéi, mais la ville de Pouzzole. Mais en fait, ce débat est né à partir de la fin du XIXe siècle. Auparavant, et même souvent après, les fouilleurs, puis les archéologues, ne se sont pas préoccupés des implications de leurs découvertes en termes d'interprétation globale de l'économie. Ils se sont contentés de décrire, rarement avec un soin suffisant, les structures et les peintures qu'ils dégageaient et croyaient comprendre. Ils s'en sont souvent tenus à la reconstitution des techniques employées. Ce n'est qu'après qu'on a commencé à compter le nombre des ateliers, à tenter d'estimer leur production et de cerner leur clientèle. Je vous propose donc de suivre la même démarche prudente en commençant aujourd'hui par une revue générale des artisanats présents dans Pompéi. Avant d'entrer dans l'examen de la documentation disponible, il faut d'abord en rappeler les limites. Si l'état exceptionnel de conservation de la dernière phase de Pompéi et d'Herculanum permet d'identifier quelquefois des artisanats qui laissent peu de traces, tels que l'artisanat de la vannerie ou du textile, il faut garder en mémoire que pour les phases antérieures au tremblement de terre, nous nous trouvons dans la même situation que sur n'importe quel autre site archéologique. Bien souvent, demeurent des incertitudes dans l'identification des installations, souvent mal conservées et partiellement observées. C'est pourquoi, pour les périodes plus anciennes, c'est-à-dire avant le tremblement de terre de 62-63, dominent les témoignages des activités qui laissent des traces pérennes et indubitables, telles que la poterie ou la métallurgie. Par ailleurs, si l'on croit connaître assez bien les activités économiques de la ville à la veille de l'éruption, car une grande partie du site a été dégagée, on ne peut pas en dire autant des phases antérieures, car les fouilles stratigraphiques n'ont porté que sur certains îlots, faussant ainsi toute comparaison. Il nous est alors impossible de certifier la continuité ou la discontinuité de tel ou tel artisanat ou de telle ou telle activité. Troisième limitation, un certain nombre, probablement fort important, d'installations ne laissent pas ou peu de détritus, ni de vestiges clairs parmi les bâtiments. Dans la région 1, ainsi la 8, numéro 14, la découverte d'outils, surtout de ciseaux et de couteaux avec des manches en forme d'amour ou de chevaux, a été interprétée récemment par Nicolas Montex comme témoignant d'un atelier de sellier. Je ne suis pas convaincu. Au vu des outils eux-mêmes, trop bien décorés pour être vraiment fonctionnels, que cette interprétation soit juste. Mais cet auteur pose correctement la question de tous les ateliers que nous ne savons pas interpréter, bien que nous disposions à Pompéi d'informations exceptionnelles par rapport aux autres sites. Cela tient à ce que la découverte des outils, de la vaisselle et des contenants n'a jamais été enregistré correctement par des dessins ou par des photos jusqu'à une époque très récente. Les objets eux-mêmes ont été longtemps dispersés dans les collections royales, dans des cadeaux diplomatiques, puis au musée de Naples, avant d'être conservés à Pompéi même à partir de 1886 et, pour être tout à fait précis, complètement à partir de 1895. Dans ces lieux, une part des objets, parfois importante, a disparu au cours du temps, par des vols, pendant la guerre, où par exemple les bombardements de 1943 ont détruit l'antiquarium de Pompéi, qui vient seulement de réouvrir cette année. Autant dire qu'il est très difficile de réattribuer des objets à un lieu, surtout lorsque la fouille est ancienne, et que les descriptions de l'époque des dégagements sont très lacunaires, imprécises et voire erronées. Un bon exemple est donné par l'atelier de potier de la Porta Ercolano. Sur la foi des mentions anciennes de pignatelli ou de pignate et de marmite par les auteurs du XIXe siècle, le site ayant été dégagé en 1838, on a pensé que l'atelier produisait des céramiques culinaires. C'est ainsi que McCallum les présentait encore en 2011 dans son article « Pottery Production in Pompeii », donc vraiment très récemment. Or, les fouilles de Laetitia Cavassa et de Bastien Lemaire viennent de montrer que cet atelier produisait en réalité des vases à parois fines. Donc, malgré la qualité de préservation du site, la perte est irrémédiable et une grande partie des vestiges est désormais muette, empêchant toute étude statistique. Une autre limitation tient à ce que certains corps de métier, et non des moindres, tels que les charpentiers, les maçons, les tailleurs de pierre, n'ont pas d'atelier. Ils exercent leur art sur des chantiers mobiles, et ces artisans, malgré leur nombre et leur place considérable, échappent le plus souvent à notre perception. Enfin, nous devons prendre en compte, pour étudier l'économie de la ville, nous devons donc prendre en compte son territoire. Une cité, en effet, comprend la ville, sa périphérie et son terroir agricole, et elle joue un rôle central dans l'organisation et l'équipement technique des campagnes, ainsi que dans les échanges. Or, nous connaissons très mal les environs immédiats de Pompéi, ses faubourgs, car l'achat des terrains intramuros par Murat, lorsqu'il était roi de Naples au cours du Decennio Francese, qui s'étend de 1806 à 1815, cet achat des terrains a fixé le cadre des recherches pour les deux siècles suivants. Au cours du premier siècle de notre ère, certaines activités économiques, parmi les plus importantes et les plus polluantes, ont dû s'éloigner de la ville, tout simplement pour des raisons de coût de l'immobilier. C'est certainement le cas des productions de tuiles, signalées intramuros pour le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui doivent être réalisées dans les domaines agricoles ou les faubourgs de la ville par la suite. Mais c'est probablement aussi le cas des salaisons de poissons, un artisanat très florissant dans la ville, entre la seconde moitié du IIe siècle et la fin du Ier siècle avant Jésus-Christ, et qui disparaît ensuite. Les productions locales ont certes été concurrencées par des importations de salaisons espagnoles, mais cette explication ne suffit pas. Il est probable que les productions locales, qui demandent beaucoup d'espace et qui étaient concentrées entre les mains de quelques personnages que l'on peut qualifier d'industriels, tels que Aulus Umbricius Caurus, ces activités donc ont migré vers le littoral afin de disposer de terrains peu chers, de la proximité de salines et des ressources halieutiques. Un pan entier de la documentation nous échappe donc, et cela vicie irrémédiablement tout discours général sur l'économie de Pompéi et plus généralement sur l'ensemble des villes antiques, à l'exception de la Gaule et de la Germanie, où les données sur les périphéries commencent à être plus consistantes grâce à la multiplication et à la systématisation des fouilles préventives. En quelque sorte, un changement d'échelle majeur fait que le phénomène échappe à notre vision étroite et nous risquons d'interpréter comme une crise ou un déclin ce qui en réalité est une croissance qui demande de l'espace, c'est-à-dire le transfert des activités économiques du centre de la ville vers l'extérieur. Mutatis mutandis, la perception archéologique peut être autant faussée que lorsque le tonneau a remplacé les dolias et les amphores dans une région donnée. La production de vin et son commerce deviennent alors invisibles pour les archéologues et nous risquons d'interpréter cette disparition, cette invisibilité, comme un déclin, voire une crise, alors que la viticulture continue de se bien porter. Nous garderons donc ces limitations en tête lorsque nous examinerons les théories d'ensemble. Mais pour commencer, nous séparerons l'activité économique de la ville en grandes catégories qui ressortent peu ou prou de l'artisanat. Mais qu'est-ce qu'on entend par artisanat ? Je ne vais pas faire ici l'historique des acceptions plus ou moins étendues proposées par des chercheurs tels que Jean-Pierre Sodini, Jean-Paul Morel, Sara Santoro, Alain Ferdière, Nicolas Montex, pour ne citer que les plus récents francophones qui se sont penchés sur la question. Je m'en tiendrai à une définition large qui inclut toute activité économique non agricole s'exerçant hors du cadre domestique et donnant lieu à rémunération en nature ou en espèces. Cette définition permettra de prendre en compte autant les activités de transformation que les services et la préparation de la nourriture, qui est après tout un artisanat et parfois même une industrie dont nous savons la place considérable qu'elle tient dans l'économie de tous les temps. Nous allons donc diviser ces activités en quatre grands secteurs. Premier secteur, l'artisanat des matières premières, c'est-à-dire les carrières extractives, la production de chaux, l'artisanat de la terre cuite, la verrerie, la métallurgie, la tannerie, le textile, la vannerie, le travail du bois, de l'os et la fabrication des parfums. Deuxième grande catégorie, la deuxième grande catégorie concerne l'artisanat du bâtiment et assimilés, c'est-à-dire les secteurs où l'on met en œuvre les matériaux préparés par la première catégorie. la maçonnerie, la charpenterie, la menuiserie, la peinture, la taille de la pierre et la sculpture. Une troisième grande catégorie concerne l'artisanat alimentaire qui transforme les produits agricoles en nourriture directement consommable, telles que les meuneries, les boulangeries, les huileries, les fabriques de garum et de salaison, etc. Et enfin, nous ferons aussi une place à l'artisanat des services, surtout les transports, qui sont évidemment essentiels, mais aussi le nettoyage des vêtements par les foulons, et certainement la prostitution, qui était dans certains cas organisée comme une véritable entreprise. D'un point de vue archéologique, ces artisanats prenaient place dans des ateliers souvent situés en façade des demeures cossues. Ces tabernae cum pergulis combinaient la production, la vente et l'habitation de l'artisan ou du commerçant, les locaux d'habitation étant situés à l'étage, au-dessus de l'atelier ou de la boutique, et on y accédait par un escalier généralement en bois. Lorsque la devanture de la boutique était fermée par des planches, une porte donnait accès à l'habitation où logeaient les travailleurs, quel que soit leur statut juridique. À ce titre, les boutiques forment plus de 40% des unités d'habitation de la ville. Elles étaient intégrées dans des maisons, nous l'avons vu, dans des bâtiments publics, dans des complexes de boutiques édifiés pour cette destination, comme le marché, la rangée de boutiques devant la porte à Ercolano, ou celles prévues en façade des thermes centraux. Selon Pearson, dans un article paru en 2007, intitulé « Shops and Industries », 25% des boutiques sont reliées à des maisons résidentielles et en dépendent, 45% sont intégrées dans des complexes commerciaux ou autres sans leur être reliées et devaient être louées, et 30% sont considérées comme des propriétés indépendantes. Nous commençons donc par l'artisanat des matières premières, qui est celle qui pose le moins de problèmes de définition. Il s'agit de transformer une matière première minérale, végétale ou animale en un produit fini ou semi-fini. Commençons par la pierre. On pense que la pierre à bâtir provient principalement de la région autour de la ville, notamment le travertin calcaire extrait le long du Sarne, probablement vers Scafati. De même, l'inimbrite campanienne, un tuf volcanique gris dit de Nocera, et le tuf napolitain, qui fut surtout utilisé dans les dernières décennies avant l'éruption. Mais il y eut aussi des carrières à l'intérieur de la ville à plusieurs époques. Le papamonte, ce tuf volcanique tendre utilisé à l'époque archaïque, était extrait dans les environs immédiats du plateau sur lequel la cité est établie. Au 5e et 4e siècle, des carrières de basalte furent ouvertes sur le plateau, en partant notamment de la voie de Stabie, qui le traversait du sud au nord. La topographie ultérieure en sera notablement modifiée, et notamment parce que la zone du théâtre est probablement une ancienne carrière. On a ici émis l'hypothèse que l'emplacement qui deviendra l'amphithéâtre fut au départ une carrière. Enfin, nous verrons que le propriétaire de l'îlot 1-5 ouvrit une carrière dans sa parcelle tout de suite après le tremblement de terre de 62-63 afin de profiter de la demande accrue en matériaux de construction. Mais il faudrait faire une place aussi à l'importation des marbres que les commandes publiques et privées et le commerce de l'offre ont apporté à Pompéi. Dans la première catégorie, les commandes publiques, on pense évidemment au temple de la Fortune Auguste, construit par Marcus Tullius ou Auguste, dont le parement et la décoration sont taillés dans du marbre blanc de Luni. Dans la seconde catégorie, c'est-à-dire les utilisations privées, on pense évidemment aux nombreux plaquages de marbres et de pierres colorées exotiques qui décore les pavements en opus sectilé des pièces de réception et les comptoirs des commerces alimentaires et des débits de boissons. Un autre composant essentiel pour le secteur fondamental du bâtiment est le liant, qui provient le plus souvent d'un mélange de sable local gris-noir avec de la chaux. Et l'absence de calcaire à Pompéi même empêchait de faire cette chaux sur place. La ressource calcaire la plus proche étant les Monte Lattari, qui sont situés au sud de Pompéi, formés de sédiments marins mésozoïques, il est fort probable que la chaux y était préparée, et ceci d'autant plus aisément que les montagnes très boisées offraient le combustible nécessaire. Mais la chaux pouvait aussi venir des montagnes de l'Irpigne et avoir été transportée sur des barques qui descendaient le Sarno jusqu'à Pompéi. Un autre matériau, la terre cuite, était très employée pour la construction, pour la fabrication des conteneurs, des amphores et des jarres, et pour la vaisselle et pour les lampes. Pour une part, notamment les briques et les tuiles, ces matériaux étaient importés. En 1979, Margaretha Steinby a étudié la production de laterizia dans un ouvrage appelé Pompéi 79, Pompéi 79, et elle a individué trois groupes. Un ensemble de tuiles originaires de la région de Rome, un second groupe attribuable à la Campanie en général et aux champs phlégréens en particulier, qui comprend de nombreuses marques de tuiliers. Une large part des tuiles trouvées à Pompéi ont en effet une pâte qui est identique à celle des champs phlégréens, et on doit donc imaginer que cette large part de briques a été importée à Pompéi par bateau. C'était assez facile, évidemment, de les transporter depuis la région située à l'ouest de Naples et principalement depuis le port de Pouzzoles. Enfin, un troisième groupe comprend des productions locales de producteurs tels qu'Azelius, Blésius, Calavius, Istacidus, Pupienus, etc., ainsi que Lucius Macus, qui produisait à la fois des amphores et des tuiles. La pâte de ces tuiles est très caractéristique car elle inclut des particules noires volcaniques qui permettent de les identifier aisément. Les ateliers de tuiles, de briques, d'amphores et de dolières étaient en fait liés aux domaines agricoles et leur production manufacturière était considérée comme telle et donc parfaitement honorable. Sur ce point, je vous renvoie à l'ouvrage fondamental d'André Tchernien, « Les Romains et le commerce », paru à Naples en 2011, et en particulier aux pages 19-21. Nous verrons plus loin que la notion de profit honorable, en fait, était très extensive. Dans certains cas, la conjonction des timbres et des graffitis dans une villa permet d'identifier un propriétaire. Dans une villa de Bosco Reale, c'est-à-dire au nord de Pompéi, on trouve à la fois des graffitis d'esclaves appartenant à Agrippa, le gendre d'Auguste, et trois tuiles au nom des Pupilii, Agrippae, Tuberone et Fabio Consule, donc des tuiles qui ont été fabriquées en 11 avant Jésus-Christ. La villa, possédée par Marcus Vipsanius Agrippa, qui était donc le général et gendre d'Auguste, serait passée à son fils Agrippa Postumus, puis à l'empereur, et on y a en effet trouvé deux sceaux au nom d'Eutychus, un esclave puis un affranchi, de Tiberius Julius, c'est-à-dire de Tibère. Un autre cas intéressant est celui des Figlina Ariana, qui appartenaient à Poppée, épouse de Néron. Comme un dolion de la villa d'Oplontis est marqué Caï Ariani Amphionis, on a pensé que la villa, incluant l'atelier, appartenait à Poppée qui l'aurait acheté à Caius Arianus Amphion. Mais ces conjonctions sont exceptionnelles. Le plus souvent, les tuiles et les briques sont vendues sur le marché et leur utilisateur n'est pas le producteur. Plusieurs tuiles marquées Pupilii Agrippae ont d'ailleurs été trouvées dans d'autres villes. Certains ateliers fabriquaient des dolia, ces grandes jarres dont la demande était grande dans ce pays de vignobles, car il servait de cuve à vin. Plusieurs producteurs locaux sont attestés par des timbres tels que, par exemple, Caius Naevius Vitalis, et nous savons par les sources écrites que ces jarres, difficiles à fabriquer, coûtaient fort cher et qu'il y avait un marché de location. Aucun de ces ateliers n'a été repéré, à l'exception d'un four du IIIe siècle avant Jésus-Christ dans la région 6, et peut-être d'un grand four que l'on suppose destiné à cuire des briques des tuiles, voire des dolias, et qui a été repéré hors de la ville. Il a été entrevu à l'occasion de terrassements effectués pour construire le centre commercial Leroy Merlin, situé entre Pompéi et Torre Annunziata. Ce qui pourrait avoir été soit une zone artisanale, soit plus probablement un grand domaine agricole, n'a toutefois pas été fouillé ni documenté, pour des raisons sur lesquelles le magazine italien L'Espresso, daté du 10 janvier 2014, s'interrogeait sans qu'on ait eu de réponse. En revanche, la production de vaisselle et de lampes sur le site même de Pompéi commence à être mieux connue, non seulement pour les dernières années avant l'éruption, mais aussi pour les époques antérieures. Les fouilles effectuées par Paul Archer en 1980-1981, en suivant la mise en place d'un câble électrique destiné à alimenter les bureaux de la surintendance au centre de Pompéi, ont mis au jour des ratés de cuisson, de vases à vernis noir et des cales de four qui datent de la fin du IVe siècle ou du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et il y a trouvé donc une décharge qui comporte des céramiques à vernis noir surcuites qui prouvent donc qu'il y avait un atelier local. Comme ces fragments ont été jetés dans un remblai de la Via Marina, devant la basilique, on ne sait où se trouvait exactement l'atelier. La fouille pour l'implantation du câble électrique déjà mentionné a aussi permis à Paul Archer de mettre au jour, aux marges est du temple d'Apollon, un remblai comportant des vases à vernis noir, des flacons à parfum, des brûle-parfums, des vases miniatures, des bols mégariens, des vases importés d'Espagne, des amphores rhodiennes et puniques et surtout des milliers de fragments de statuettes votives et leurs moules qui montrent qu'au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, un atelier fonctionnait dans le sanctuaire pour fournir la demande des fidèles. C'est un phénomène bien connu de l'artisanat religieux dans les temples et leurs abords, et nous en avons une illustration une fois de plus. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Jean-Pierre Brun le 18 octobre 2016, le développement urbain de Pompéi de l'époque coloniale au 1er siècle après Jésus-Christ. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. Jean-Pierre Brun a publié avec Xavier Fernandez « Parfums antiques de l'archéologie aux chimistes » chez Sylvana à Milan. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Demain, nous poursuivrons notre tour d'horizon des ateliers de l'artisanat à Pompéi en compagnie de l'archéologue Jean-Pierre Brun. Et dans quelques instants, voici Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.